Le journal d'internet sud-coréen Online News fait savoir qu'en Corée du Sud, le conseil provincial du Gyeongsang du Sud contre la guerre et pour la paix a tenu le 20 courant une conférence de presse dans la préfecture de la province du Gyeongsang du Sud pour réclamer le retrait de la décision sur le déploiement de SAD, l'arrêt des exercices de guerre et la conclusion d'un accord de paix. En outre, d'après le journal d'internet sud-coréen Tongil News, l'Action nationale contre le déploiement de SAD a organisé le 23 une conférence de presse devant le siège du ministère de la Défense contre le projet de remplacement du terrain pour le SAD. Et les catholiques, chrétiens, bouddhistes et croyants du bouddhisme primitif des villes de Daejeon et de Saeson et de la province de Chungcheong du Sud ont tenu en commun une conférence de presse à Daejeon le 24 août en faveur de la paix dans la péninsule coréenne.